Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barrel 1882. Des lois auxquelles obéit l'univers. Hypothèse vraisemblable, parole de Dieu à Job, les forces, les lois, un mot de Sénèque, loi physique et loi vitale, l'école de Darwin, ses inconséquences, une profession de foi de Magendy, ordre dans lequel les lois seront décrites. Tout esprit un peu sérieux s'accorde à reconnaître que la matière, en tant que matière, n'est pas tout dans le monde. Il y a de plus les forces qui la dirigent, mais, à l'origine des temps et des choses, ces forces n'existaient pas encore. Dieu a donc créé le monde d'autorité. Ainsi s'explique comment, quand nous avons voulu débrouiller le chaos, nous en avons été réduits à de simples hypothèses dont le principal mérite, sinon le seul, est leur vraisemblance. Nous ne pouvions, du reste, faire davantage, car enfin c'est Dieu lui-même qui a constaté notre impuissance lorsqu'il a dit à Job, « Où étais-tu quand je jetais les fondements de la terre ? Qui pourra approfondir mes voies et qui peut me dire, vous avez fait une injustice ?» Mais, quand la matière fut créée ou même en la créant, Dieu la dota de certaines forces, puis il soumit ses forces à de certaines lois tellement régulières et fixes qu'aujourd'hui encore elles gouvernent le monde. C'est ce qu'exprime excellemment le mot si connu de Sénèque, de la Providence, chapitre 5. Il a ordonné une fois, il est obéi toujours. Ce sont ces lois qui vont maintenant nous occuper. Elles le méritent d'autant plus que la même harmonie qui a présidé à l'ensemble de la création se retrouve dans le jeu de chacun de ces rouages. Les lois qui régissent ainsi l'univers peuvent être ramenées à deux, lois physiques et lois vitales. Les lois physiques sont celles qui appartiennent en propre aux corps inertes. Les lois vitales sont celles qui appartiennent en propre aux corps vivants. Malheureusement, c'est là un point d'étiologie et de causalité sur lequel il s'en faut de beaucoup que tout le monde soit d'accord. Ainsi, l'école de Darwin admet parfaitement l'existence des lois physiques, mais, par contre, elle nie d'une manière absolue l'existence des lois vitales, ou du moins elle n'accepte celles-ci que comme conséquence ou émanation de celles-là. Savez-vous quelle est sa grande raison? C'est qu'on ne peut constater matériellement l'existence des forces vitales. Par suite, elle n'y voit qu'une hypothèse et, comme telle, elle la rejette. Je vous trouve bien dédaigneux à l'endroit des hypothèses. Mais qui donc en fait plus que vous pour vos explications soi-disant positives? Car enfin le calorique, la lumière, l'électricité, l'attraction, la pesanteur, les affinités chimiques, qu'est-ce donc, sinon des hypothèses? Et cependant elles forment la base de vos théories, par conséquent vous vous appuyez sur des causes constatées seulement par leurs effets. Loin de moi l'idée de vous en blâmer, puisque je procède comme vous. Je tenais seulement à vous montrer, par des exemples empruntés à votre propre pratique, qu'en fait d'interprétations empruntées à la science un raisonnement peut être considéré comme très solide, bien qu'il n'ait d'autre attache qu'un principe immatériel et abstrait. J'admets donc comme parfaitement démontré la distinction des lois physiques et des lois vitales. Mais laissons parler le plus grand physiologiste du siècle, qu'on n'accusera certainement pas de tendance spiritualiste. Voici dans quels termes Magendy s'exprimait dans ses leçons au Collège de France. Oui, il est des lois vitales propres au corps vivant, lois que ne possède pas la matière inerte, De même qu'il est des lois physiques propres à la matière inerte, lois que ne possèdent pas les corps vivants. Sans cette distinction fondamentale, pas de progrès possible. Pour l'étude des phénomènes vitaux, il ne saurait donc être question de physique, de chimie, de mécanique, autrement que pour l'analyse matérielle de la substance nerveuse. Les lois physiques ne doivent pas plus empiéter sur les lois vitales que les lois vitales sur les lois physiques. Telle est notre doctrine. Ai-je besoin d'ajouter que cette doctrine de mon illustre maître est celle qui a toujours guidé et qui guidera toujours mes recherches et mes travaux? Il va donc nous falloir étudier ces diverses lois dans leurs départements respectifs, nous bornant toutefois à ne signaler que celles qui se rapportent plus particulièrement à notre sujet. Ainsi quelques généralités seulement seront consacrées aux lois qui régissent le monde sidéral, en revanche, nous décrirons avec plus de détails celles qui ont trait à notre planète et à nous-mêmes. Voici l'ordre que nous suivrons dans l'exposé de ces lois. Lois qui régissent le monde sidéral. Lois qui régissent les mouvements de la Terre. Lois qui régissent son atmosphère. Lois qui régissent les corps vivants. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.